بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous sommes maintenant avec le quatrième cours et le dernier, inshallah, dans l'interprétation de Kalimat al-Tawhid. Kalimat al-Tawhid du Cheikh Mohamed Abdelhab, rahimahullah ta'ala, interprété et expliqué par son éminent Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés à ce passage. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: الذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وصائتهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. son éminence Cheikh l'Islam, Mohamed Abdelhab, rahmatullahi ta'ala alayh, nous dit: ce que prétendent les gens de l'associationnisme à notre époque, ce qu'ils prennent comme intermédiaire, qu'ils prétendent que c'est leur intermédiaire à notre époque, ceux-là, ce sont les mêmes que les premiers qui les ont devancés appellent les divinités. Il voit cet à l'intermédiaire, c'est l'ilah. Et donc, quand l'homme il dit « La ilaha illallah » ni digne d'être adoré qu'Allah, cela annule toutes les intermédiaires et tous les intermédiaires. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. Il dit: si tu veux connaître cela d'une connaissance parfaite, cela se fait par deux points. الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل دماءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. Et Cheikh Mohamed Abdelhab, rahmatullah alayhi, dit: le premier point pour le connaître parfaitement, c'est que tu saches que les mécréants qu'a combattu le messager d'Allah ou qu'a tué le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a rendu licite leur fortune, leurs femmes, sont confirmés qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique dans sa seigneurie, et que ne crée qu'Allah, ne donne la subsistance qu'Allah, ne donne la vie qu'Allah, ne fait mourir qu'Allah, ne gère la situation de cet univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Comme il est dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit d'eux dans Surat Yunus, verset 31, dans cette traduction approximative, dit: qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui possède, lui, la vue? Qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant? Qui gère les situations? Ils vont dire: Allah. Dis, pourquoi vous préservez pas ces droits? Yunus 31. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: عباد القبور الآن يقولون ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس لها معنى عندهم، لأن المشركين يقولون هذا الذي يقوله هؤلاء. Cheikh Al-Fawzan de nous dire: les adorateurs des tombes aujourd'hui, ils disent, tant qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, tant qu'ils connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne la vie, qui donne la subsistance, qui fait mourir, qui gère, il est muslim, il est musulman. Donc qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Il dit hafidhahullah ta'ala, la signification de la ilaha illallah pour eux, c'est que les associateurs disent la même chose que ceux-là. Les associateurs reconnaissaient la seigneurie aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له: وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. Et son éminent cheikh l'islam, Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, de dire, ce sujet est très important, ce sujet est énorme, c'est que tu saches que les mécréants que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu attestaient avec tout ça, et ils confirmaient la sunnurie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout ça, ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam et n'a pas protégé leur vie ni leur fortune. Alors qu'ils donnaient l'aumône, qu'ils faisaient le pèlerinage, qu'ils faisaient le petit pèlerinage aussi, et ils faisaient des actes d'adoration et ils délaissaient des choses illicites par crainte d'Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذه مسألة عظيمة ومهمة جدا، وقل من يعتني بها، لأن هؤلاء يقولون: من أقر بتوحيد الربوبية صار مسلما. الشيخ الفوزان de nous dire حفظه الله تعالى: ce sujet est très important et très important et d'une grande importance. Peu de gens s'en préoccupent. Ils s'en occupent, car cela, ils disent, celui qui confirme le monothéisme de la sunnurie et la sunnurie Allah subhanahu wa ta'ala est devenu muslim. يقول الشيخ الفوزان: وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية وعندهم عبادات كالصدقة والحج، فهم يحجون ويعتمرون ويقولون: لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يعترفون بتوحيد الربوبية ويتعبدون ببعض ذي العبادات، ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا مشركين. Et son éminence, Cheikh Al-Fawzan, Habibullah, de nous éclairer sur cette situation très dangereuse et sur ce point essentiel de notre religion. Il disait que les associateurs de la période pré-islamique confirmaient le monothéisme de la sinurie à Allah Azza wa Jal. Et ils avaient des actes d'adoration comme l'aumône, comme le pèlerinage. Ils faisaient le grand pèlerinage, le petit pèlerinage. Et ils disent: ne donne la subsistance qu'Allah, ne crée qu'Allah, ne donne la vie qu'Allah, ne donne la mort qu'Allah. Ils reconnaissent le monothéisme de la souveraineté et de la seigneurie. Et ils font des actes d'adoration, mais ils ne vouaient pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah et avec Allah autre chose, et ainsi ils sont devenus associateurs. يقول الإمام المجدد رحمه الله وغفر له: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. Et le deuxième point qu'il faut que tu saches pour que la situation devienne claire pour toi, dit Cheikh l'Islam Mohamed Abdelwahab rahmatullah alayh, c'est que la chose qui les a rendus mécréants et qui a fait que leur sang était illicite, leur fortune aussi, c'est qu'ils n'ont pas attesté le monothéisme de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme de la souveraineté. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان: لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط. لا بد من الأمرين، لا بد من توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية، ولا بد من توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لا ينفك بعضهما عن بعض. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire: car le but, et ce qui est demandé, c'est le monothéisme de l'adoration. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas demandé tout simplement de reconnaître la sinurée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire qu'il ait les deux choses. Obligatoire. le monothéisme de la souveraineté et de la seigneurie, ainsi que le monothéisme de l'adoration. Obligatoire, le monothéisme de l'adoration. Et le monothéisme de l'adoration, il contient dedans et contenu le monothéisme de la souveraineté. Ils sont inséparables. Mais il faut ramener le monothéisme de l'adoration. Et dedans, celui qui veut le culte exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il reconnaît la souveraineté. Mais celui qui ne veut pas le culte exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaît la souveraineté de la création, à quoi ça lui sert? C'est comme il n'a rien fait. Parce que le plus important, c'est le monothéisme de l'adoration. Et dedans, il est contenu le monothéisme de la souveraineté. يقول الإمام المجدد وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. Pour nous éclairer là-dessus, cher l'Islam, Mohamed Abdelhab, il dit, pour nous éclairer sur le monothéisme de l'adoration, il dit qu'on ne demande à personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ait l'espoir, qu'on Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans lui faire d'associer. يقول الشيخ الفوزان أي وتوحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات فلا يصرف لغير الله عز وجل منها شيء لأنه هو المستحق لها فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات ما دام لم يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. الشيخ الفوزان de nous éclairer encore, il dit hein, le monothéisme de l'adoration contient toutes les adorations et englobe toutes les adorations. Ça veut dire que toutes les adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun acte d'adoration doit être voué à quelqu'un d'autre qu'Allah. Rien de l'adoration doit être voué à quelqu'un d'autre qu'Allah, car il est le seul digne d'être adoré. Et celui qui voue un acte ou quelque chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est associateur, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec certaines formes d'adoration. Tant que sa religion n'est pas, ses actes d'adoration ne sont pas toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. Et l'imam Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, dit, on ne cherche pas secours chez quelqu'un d'autre qu'Allah, et on n'égorge pas pour quelqu'un d'autre qu'Allah, et on ne fait pas des vœux pour quelqu'un d'autre qu'Allah, ni pour un ange rapproché d'Allah, ni pour un prophète envoyé. Et celui qui cherche secours auprès d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mécru. Et celui qui égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mécru. Et celui qui fait des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mécru. Et le similaire de tous ces actes qui ne sont dus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الفوزان أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله لأنه لم يحققها فهو متناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغيره؟ كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين؟ كيف يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله؟ هذا تناقض. الشيخ الفوزان de nous dire celui qui accomplit ce genre d'acte pour autre qu'Allah, il a mécru. Comment il dit la ilaha illallah? Hein, il dit la ilaha illallah, mais il n'a pas accompli la ilaha illallah. Il est en contradiction dans le fait de dire la ilaha illallah. Comment il dit la ilaha illallah? Il est gauche pour autre qu'Allah. Comment il dit la ilaha illallah? Il cherche secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche secours auprès des morts, auprès des absents, auprès des jinns, auprès des shayatin. Comment il dit la ilaha illallah? Il fait des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une contradiction. يقول الإمام المجدد رحمه الله وغفر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه كالله سبحانه وتعالى lui donne le firdaus al-a'la. Il dit, et pour compléter tout ça, il faut que tu saches que les associateurs auxquels le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam a fait le combat et qu'il a combattu, ils appelaient, ils demandaient aux vertueux. Ah, parmi les anges, il demandait à Isa, il y a la mère de Isa, il y a l'Uzair, il demandait à d'autres. Aulia à d'autres alliés. Et avec ça, ils ont mécru. Alors qu'ils confirmaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui gère l'univers. Malgré tout ça, ils ont mécru. يقول الشيخ الفوزان المشركون الأولون ليس كلهم يعبد ليسوا كلهم يعبدون الأصنام فهم متفرقون في عبادتهم فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ولم يقول ما أقاتل للذي يعبد الأصنام ويترك الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين ما فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفوزان de nous dire les associateurs, les premiers associateurs, pas tous adoraient les statues. Ils étaient chacun adorait, ils étaient différents dans leurs actes d'adoration. Certains adoraient les statues, d'autres adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient les vertueux, d'autres et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus tous. Il n'a pas fallu la différence entre cela et cela. Il dit, il n'a pas dit que je vais combattre tout simplement ceux qui adorent les statues. Il laissait ceux qui adorent l'Uzair ou ceux qui adorent, le Messie ou ceux qui adorent les vertus, Rasoul Salam n'a pas fait cette différence. يقول الشيخ الفوزان وهؤلاء القبوريون اليوم يقولون الشرك عبادة الأصنام وعبادة الأولياء تقرب إلى الله وتوسل إلى الله ليست بشرك لأن الشرك عبادة الأصنام فقط. يا سبحان الله الرسول قاتل الجميع الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزيرا والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. Il dit, حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان, il dit, ces adorateurs de tombes aujourd'hui disent l'associationnisme c'est le fait d'adorer des statues. Quant à l'adoration des alliés d'Allah, cela c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de l'associationnisme, car l'associationnisme c'est le fait d'adorer les statues tout simplement. Et chier de dire, gloire à Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu tout le monde. Ceux qui adoraient les statues, ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient le Messie, ceux qui adoraient L'Uzel est un des prophètes de Banu Israël. Et ceux qui adoraient les alliés et les vertueux, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la différence entre eux. Car en réalité, il n'y a aucune différence. C'est un culte qui est voué à autre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-shaykhu al-mujaddidu Muhammad ibn Abdullah rahimahu Allah ta'ala. إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه أديل دي كنت كوني سوسي. Tu as connu la signification de la ilaha illallah. Et tu as su que celui qui cherche secours auprès d'un prophète, auprès d'un ange, ou il cherche secours, en cherchant secours comme ça, et en demandant secours comme ça, à un prophète ou à un ange, il est sorti de l'islam. Et ça, c'est la mécréance pour laquelle le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a combattus. يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء صالحون هؤلاء الصالحون مقربون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بهم بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. Et il dit, Rahimahullah Ta'ala, Cheikh Mohamed Abdelwahab, c'est un des associateurs, dit, nous on connaît qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui gère, mais ces vertueux, ils sont proches d'Allah, et nous, on les invoque, on leur demande, on leur fait de vœux, pour qu'ils soient notre intermédiaire, et on cherche secours auprès d'eux, hein, et nous voulons par cela, leur intercession. Mais on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seul Allah qui donne la subsistance, qui crée, qui gère. Tu lui diras que ça, c'est la même. Ta parole, cette parole, c'est la même voix qu'avait Abu Jahl. Il est similaire d'Abu Jahl. Yaqulu al-Shaykh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Al-Shaykh yukhatib al-ulama wal-awam. Wa ma'na nakhahu fil-amya. Fil amiyati istanjada. Et Cheikh Al-Fawzan de le dire, ici, Cheikh Mohamed Abdelwahab, il s'adresse aux hommes de science, et il s'adresse au commun, la même chose. Il nous donne la signification d'un mot en arabe nakha, qui est le fait de chercher secours auprès de quelqu'un. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك ويقول مراد به التوسل بهم إلى الله يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفا كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et Cheikh Al-Fawzan de dire, on dit à ceux qui disent que le fait de demander aux vertueux ce n'est pas de l'associationnisme, on leur dit, le fait de chercher intermédiaire avec un mort ou autre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, ce que tu es en train de dire, c'est la voix d'Abu Jahl et d'Abu Lahab et leur similaire. Car ils disaient que donne la subsistance, qu'il ne crée, il ne donne la subsistance, il ne donne la vie, il ne gère qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prenne cette divinité tout simplement pour nous rapprocher d'Allah. Pour nous rapprocher d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi dans Surah Yunus verset 18, dans cette traduction approximative. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne pourra pas leur faire ni le bien ni le mal. Et ils disent cela, ce sont nos intermédiaires, sera chez Allah. يقول حفظه الله يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et Cheikh Mohamed Abdelwahab, rahimahullah, il dit, il demande à Isa, il demande à l'Uzair, il demande aux anges, il demande aux alliés, et ils disent, hein, ils disent que la chose avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, les a décrits dans Surah Yunus, verset 18, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, ils disent, nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah Zumar, verset 3, et dans l'autre verset Yunus, verset 18, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut leur donner ni le bien ni le mal. Et ils disent, ceux-là, ce sont nos intermédiaires chez Allah. Et Cheikh Mohamed Abdelwahab, rahmatullah alayhi, de dire, et Cheikh Al-Fawzan rahmatullah alayhi hafidhahu Allah de dire al mushrikoun al awwalun yuriduna mimman ya'budunahum ma'a Allah tawassut lahum faqat la yaquluna innahum yakhluqun wa yarzuqun wa innama yaqulun in ha'ula shufa'a'un lana 'inda Allah yaquluna in hadha ta'dhimun lillah. Il dit hafidhahu Allah ta'ala Cheikh Al-Fawzan, les premiers associateurs, ils veulent de ce qu'ils adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala, de les prendre comme intermédiaires tout simplement. Et ils disent, ces intermédiaires ne crient pas, ne donnent pas la subsistance. Ils disent, nous on les prend comme intermédiaires pour intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, ça fait partie du fait de glorifier Allah et de le vénérer. Ainsi ils disent, يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عند الله، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس. Et il dit, l'imam Mohamed Ibn Wahhab, il dit, si tu médites ceci d'une grande méditation, avec une grande clairvoyance, tu sauras que les mécréants attestent à Allah subhanahu wa ta'ala la seigneurie, qui est le fait qu'il est le seul qui crée, le seul qui donne la subsistance, le seul qui gère. Et malgré tout ça, il cherche aide, il demande aide, il demande à Isa, il demande aux anges, il demande aux alliés. Et ils veulent que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient leur intermédiaire chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils les intercèdent pour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, tu sais que les mécréants, surtout les chrétiens parmi eux, certains parmi eux, adorent Allah nuit et jour, et ils ont rien, ils sont pas de ce bas monde, et ils donnent au monde tout ce qu'ils ont gagné dans leur journée, en faisant des retraites spirituelles, en s'éloignant dans des endroits loin des gens. يقول الشيخ الفوزان: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، ولكن يقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو ثالث ثلاثة، وهم يبكون ويتعبدون، ولا ينفعهم هذا لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل، فمثلهم عباد القبور اليوم. الشيخ الفوزان دو نوزير: ces ascètes chrétiens, aussi curés chrétiens, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, ils pleurent, mais ils disent le Messie c'est le fils d'Allah, ou ils disent le Messie, qu'Allah c'est le Messie, le fils de Marie, de Maryam, ou qu'il est le troisième de trois. Ils pleurent et ils adorent, mais ceci ne pourra rien pour eux, car ils n'ont pas réservé le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur exemple, ce sont les adorateurs de tombes aujourd'hui, la même chose. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام التي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Il dit, rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, toujours les paroles sont à Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah. Il dit, alors que, en parlant de ces chrétiens qui sont dans leur rein, dans leur retraite, en adorant, en pleurant, etc., qui sont loin des gens, il dit, malgré tout ça, c'est un mécréant, c'est un ennemi d'Allah, il sera éternellement au feu de l'enfer à cause de ses croyances sur Isa et sur d'autres alliés, et ses croyances sur les alliés. Il est là, il les appelle, il leur demande, il égorge pour eux, il fait des vœux pour eux. Et il dit, partant de là, t'apparaît la clarté de l'islam, la caractéristique principale de l'islam vers lequel ton prophète Mohammed a.s. a appelé. Et il t'apparaît clairement que beaucoup de gens sont loin de cette clarté, de cet islam pur vers lequel Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Il t'apparaît clairement la signification de la parole de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que l'islam a commencé étranger et qu'il va se terminer étranger comme il a commencé. Yaqul al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, al-islam al-sahih غريب اليوم أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار ولكن الإسلام الصحيح غريب إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم، فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين. والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310، وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح. ما هو إسلام ادعائي؟ الشيخ الفوزان دوندي حفظه الله تعالى: الإسلام authentique est étranger aujourd'hui. Quant à l'islam que les gens prétendent, il dit l'islam authentique il est étranger. Contrairement à l'islam que les gens prétendent, il dit les musulmans aujourd'hui dépassent le milliard, mais l'islam authentique il est étranger. Il dit si ces musulmans qui dépassent le milliard, si leur islam était authentique, était sur la bonne voie, personne ne pourrait se mettre devant eux dans le monde. Il dit les juifs, qui sont les frères des Qirada et des Khanazir, et qui sont déshonorés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui maîtrisent les pays de l'islam, et qui spolient les pays de l'islam. Et il dit, Habibullah ta'ala, et les musulmans qui étaient avec le prophète alayhi salam lors de la bataille de Badr, leur nombre ne dépassait pas 313 ou 314 ou 312. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, les compagnons du prophète alayhi salam, à l'époque, leur nombre par rapport aux habitants de la terre, ils étaient combien? Et malgré tout ça, ils ont conquis les pays, ils ont fait tomber l'empire de Kisra et l'empire de César, et ils ont dominé le monde, ils étaient les maîtres du monde, car ils étaient soumis à Allah, l'islam authentique, et non pas à l'islam de prétention. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. إيه الشيخ محمد بن بلوى رحمة الله عليه دي: والله الله أو مي فخير، comprenez-vous à l'origine de votre religion et à la base principale de votre religion, et le début de votre religion et la fin de votre religion, et la fondation principale et la tête de la fondation principale de votre religion, et sa tête, c'est l'attestation ni digne d'être adoré qu'Allah. Connaissez sa signification. Aimez la ilaha illallah. Aimez les gens de la ilaha illallah. Et faites d'eux vos frères, même s'ils sont très loin. Et mes croyants ont tous qui s'adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les prenez-les comme un ennemi. Et désavouez-les. Détestez-les. Et détestez aussi ceux qui les aiment, ou ceux qui polémiquent pour eux, ou ceux qui ne les prennent pas comme mécréants. Et tout un chacun qui dit qu'est-ce que j'ai à faire avec eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne me les a pas imposés. Celui-là, il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et il a mis du mensonge, car Allah subhanahu wa ta'ala il lui a imposé, il lui a fait obligatoire qu'il doit me croire en ta route, et qu'il doit désavouer ta route, et qu'il doit me croire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'éloigner et désavouer tout ce qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est ses enfants, même si c'est ses frères. يقول الإمام المجدد رحمه الله: فالله الله إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Il dit: الله الله mes frères, comprenez-vous à tout ça, et peut-être que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous n'êtes pas dans l'associationnisme et que vous lui faites aucun associé, et il dit: Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en étant musulmans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rejoindre les vertueux. Wa yaqulu rahimahullah wa nakhtimu al-kalam bi ayatin dhakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi tubayyin laka anna kufra al-mushrikeena min ahli zamanina a'dham min kufri alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et je vais conclure mes paroles avec un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, qui nous éclaire que les mécréants de notre époque, les associateurs, que la mécréance des associateurs de notre époque est beaucoup plus grave, beaucoup plus énorme que ceux qui ont mécru, beaucoup plus grave que ceux d'avant et ceux à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui ceux que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Yaqul le cheikh, Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, kufru ahli zamanina a'dhamu min kufri al-mushrikina al-awwaloun. أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire, la mécréance des associateurs de notre époque est beaucoup plus grave, beaucoup plus énorme que la mécréance des premiers associateurs. Il est beaucoup plus grave que la mécréance d'Abu Jahl et d'Abu Lahab. يقول لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله. أما مشرك زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء. إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم، كل ينادي معبودة ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا. كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين. إيل دي حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان. Car les premiers associateurs, ils associaient tout simplement pendant la période de l'aisance et de la facilité, et ils étaient sincères dans leur acte d'adoration au moment de la difficulté. Car ils savent que ne délivre de la difficulté qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il dit, mais quant aux associateurs de notre époque, que ce soit dans la difficulté ou dans le racha, ils sont tout le temps dans l'associationnisme. Quand ils sont dans la difficulté, ils appellent, ils cherchent secours auprès de leur adoré. Chacun appelle ce qu'il adore pour qu'il le délivre, soit du fait d'être noyé, soit de le délivrer d'une situation difficile ou quoi. Tant du moment que le danger augmente, son associationnisme augmente. Ils sont pires que les premiers associateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. قال الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن الوهاب دسيتي سو فيرسي قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إي شيخ دسيتي سو فيرسي دون سورة إسراء فيرسي 67 dit, quand il vous arrive un malheur au fin fond des océans, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent plus rien. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, le verset nous montre comme quoi, quand ils sont dans les difficultés, les premiers associateurs, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour les sauver. Et il est dit dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous a sauvé vers la terre ferme, vous vous détournez. Et il dit, à la fin du verset, il dit, et l'être humain, il est ingrat. يقول فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا. الشيخ محمد بن الوهاب de dire que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de ces mécréants comme quoi quand il leur arrive le malheur et la difficulté, ils délaissent leur adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur chouyouk etc. Ils appellent personne d'eux, ils ne cherchent pas ce auprès d'eux, mais ils sont sincères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, ils cherchent secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Mais quand ils sont dans l'aisance, ils associent. إلى حفظه الله تعالى وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمذلة والمرضى مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله سبحانه وتعالى أعلم. Il dit, tu vois, les associateurs de notre époque, toujours les paroles sont à Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab, il dit, certains parmi eux-mêmes, même certains parmi eux prétendent qu'ils sont, qu'ils font partie des hommes de science et qu'ils ont rien à faire de ce bas monde et qu'ils font de, beaucoup d'efforts dans les actes d'adoration. Contre le mal, ils subissent le mal, les difficultés, ils se lèvent, ils cherchent secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ma'rouf ou comme Abdel Qadir Jilani et plus noble que ceux-là comme Zayd ibn al-Khattab et Zubayr. Zayd ibn al-Khattab, c'était le frère de Omar ibn al-Khattab et Zubayr. Et mieux que cela et un degré plus que cela, et cherche secours auprès du messager alayhi salatu wasalam, qu'Allah subhanahu et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala nous cherchons aide. Il a dit plus grave que cela, ceux qui cherchent secours auprès des tawarit, de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les mécréants et parmi les shayatins comme Shamsan, Idris et on l'appelle aussi l'Ashqar et Yusuf et leurs similaires, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ألا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إيه ici الشيخ محمد بن عبد الوهاب il conclut sa risala avec la louange à Allah subhanahu wa ta'ala en premier et à la fin il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala au début et à la fin prière et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi salam, ses compagnons et sa famille tous. Amin. Et Cheikh Al-Fawzan de commenter, il dit Ma'rouf, huwa Ma'rouf al-Karkhi, min al-awliya al-ma'roufin fi al-Iraq, ya'buduhu al-Quburiyoun. Et Ma'rouf, qu'a cité Cheikh Mohammed Abdullah, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Fawzan le fait connaître. Il dit, c'est Ma'rouf al-Karkhi fait partie des awliya qui sont connus en Irak, les adorateurs de temples d'or. Wa Abdul Qadir al-Jilani, imamun min a'immati al-hanabilati al-qudama, fa huwa imamun jalil, walakin lamma ma ta'taqadu annahu yanfa'u wa yadur, fa manaw ala qabrih, wa al-sufi اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادرية وهو بريء منهم رحمه الله فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد وله فيه مؤلف معروف اسمه الغلية الغنية وعبد القادر الجيلاني شيخ نو لو في كونات il dit c'est l'un des imams parmi les grands imams de l'Hanabila, les anciens imams de la voie Hanbalite, et c'est un noble imam. Quand il est mort, les gens ont cru en lui qu'il fait le bien et qu'il fait le mal. Ils ont construit sur sa tombe, et les soufis l'ont pris comme imam d'une voie soufique qu'ils ont appelé les qadiris, les qadiriya. Et lui, il est innocent de classe, subhanahu wa ta'ala, le couvre de sa sainte miséricorde. Il est connu de sa droiture, il est connu de ses vertus, il est connu de ses sciences, il était parmi les grands de la voie et de l'école de jurisprudence de l'imam Ahmad. Et il a un écrit qui est très connu dans la jurisprudence de l'imam Ahmad qui s'appelle Ghunia. وزيد بن الخطاب صحابي جليل وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة فلما جاء الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى هدم هذه القبة ولم تقم إلى الآن والحمد لله ولن تقوم إن شاء الله. زيد بن الخطاب c'est un noble compagnon رضوان الله عليه et c'est le frère de عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Il a été tué pendant la bataille de اليمامة. Il a été enterré à اليمامة. Et les gens ont construit sur lui un mausolée. Et quand l'imam Mohammed Abdel Wahhab est arrivé, il a cassé ce mausolée, cette coupole. Et jamais il reviendra. Il a louangé à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Wa Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, hawari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa haulai al-awliya wa al-sahaba, ya'buduhum al-quburiyoun. Walakinahum lam yaktafu bi'ibadatihim, bal abadu al-tawaghit wal-kafara wal-maradati min al-sahalati والكهنة والإباحيين والحلوليين الذين يقولون من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة إلى الأوامر والنواهي وإنما هي للعوام فقط أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. الزبير بن العوام était un compagnon aussi du messager عليه الصلاة والسلام. Et ceux-là, ses alliés et ses nobles compagnons, les adorateurs des temples les adorent, et ça n'aura pas suffi d'adorer ces nobles, mais ils ont adoré d'autres تواغيت parmi les mécréants et parmi les shayatins et parmi les sorciers et parmi les divins et parmi les hululites, ceux qui ont là les croyances comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala rentre et il est dans ses créatures, et qui disent que celui qui délaisse les ordres d'Allah et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là c'est le proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas besoin d'accomplir les ordres ni de s'abstenir de ses interdits, car ceci c'est tout simplement pour le commun du musulman. Mais lui, il est arrivé à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tout ça. Hada le taddi hululi dit ça. وشمسان وإدريس ويوسف هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله. Et شمسان ainsi qu'Idris ainsi que Youssouf, ceux-là ce sont des طواغيت qui s'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient à Riyad avant l'apparition de la da'wa du Cheikh l'imam Mohamed Abdel Wahab rahmatullah alayh. Et quand l'imam Mohamed Abdel Wahab sa da'wa a commencé, quand le jihad a commencé, fi sabilillah, et les musulmans se ont pris Riyad, ils ont enlevé tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont enlevé ces statues et ces tombes qui s'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici s'arrête l'interprétation du Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense comme il le mérite, et que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse profiter de sa science et de ce qu'il a écrit et de tous les cours qu'il donne, et que Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.